et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi. C'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle chronique qui sera cette fois axée sur la magie et l'illusionnisme qui sont une autre de mes passions et que je pratique personnellement. Nous allons rester dans les Christoires, donc cette nouvelle chronique sera intitulée « La Christoire de la magie et de l'illusionnisme », tout simplement. Ceci sera donc la première partie dans laquelle nous verrons qu'il y a eu différentes appellations que nous définirons et nous parlerons de l'histoire des pratiques dites « magiques ». Et si le temps nous le permet, nous verrons plus en détail l'illusionnisme et la manipulation. Je vous souhaite une bonne écoute. Commençons tout d'abord par une définition rapide, pour ne pas dire très rapide, de l'illusionnisme. L'illusionnisme, aussi appelé prestidigitation, est un art du spectacle qui consiste, comme son nom l'indique, à créer des illusions. Fin de la définition simple. Mais maintenant, nous allons la développer. L'illusionnisme est pratiqué, le plus souvent, par des artistes dans le cadre du monde du spectacle. Le magicien s'est entraîné pour créer des illusions qui leurrent nos sens. Il fait apparaître et disparaître diverses choses, il défie la gravité, il transforme la matière, lit dans les pensées. Ici, on parlera plutôt de mentalisme, il voit dans l'avenir. Avec ses astuces et son habileté, son adresse et son boniment, qui est un propos dont l'objectif est de plaire, convaincre ou séduire, une mise en scène théâtrale, un éclairage subtil ou un fond musical, le prestidigitateur crée un contexte grâce auquel son trucage, au demeurant parfois fort simple mais audacieux, devient stupéfiant au point de créer l'illusion qu'un mystère vient de se produire sous nos yeux. Cette discipline peut être appelée différemment également, car avant d'être appelée illusionnisme ou prestidigitation, cette discipline était appelée tantôt physique amusante, tantôt escamotage. Bien que nous appelons cette discipline, dans le langage commun, magie, il faut faire une distinction entre prestidigitation et magie. Comme je le disais, le langage commun, le marketing et la facilité d'utilisation du mot magie conduisent à un amalgame, à un mélange entre la prestidigitation, qui est un art mêlant agilité, ingéniosité et psychologie, et la magie au sens premier du terme, qui est un phénomène surnaturel, entre guillemets, ou inexpliqué. La prestidigitation est donc l'art de créer l'illusion d'un phénomène impossible, mais qui repose sur des règles on ne peut plus rationnelles. Le mot « magie » a un sens étymologique religieux, ce que le mot « prestidigitation » n'a pas. Le terme « escamotage » maintenant. Le nom « escamotage » pourrait venir de l'arabe « escamote », qui désigne une petite balle de liège à laquelle on a donné, plus tard, le nom de muscade à cause de sa ressemblance avec ce fruit. Dans le principe, l'escamotage s'appliquait uniquement aux gobelets. Vous avez sûrement déjà vu, ne serait-ce qu'une seule fois, un tour de magie avec des gobelets. Le praticien de l'escamotage est appelé, tout simplement, escamoteur. Le terme physique amusante. Ce terme est utilisé dès la fin du XVIIIe siècle, quand ces spectacles incluaient des démonstrations d'effets physiques, curieux récemment découverts, avec des aimants, des jeux d'ombre et de lumière, l'électricité statique, etc. On appelait le maître d'œuvre un physicien qui, en définitive, divertissait en jouant avec des phénomènes propres aux lois de la physique, mais qui l'enrobait souvent dans un discours ésotérique, énigmatique. Le terme « prestigiateur », ce terme est issu du latin, mais il survit encore aujourd'hui en italien dans le « prestigiatore ». Ce terme a existé en français jusqu'à la fin du siècle des Lumières. « Prestigiator », au XIIe siècle, chez Jean de Salisbury, désignait un prestidigitateur, un faiseur de tours, et il ajoute que l'on soupçonnait le diable d'être l'auxiliaire de ses baladins, de ses saltimbanques. De là, plus tard, le glissement de prestidigitateur à magicien a eu lieu. Cependant, en 1583, le concile provincial de la ville de Tours l'utilise comme synonyme de magus, voulant dire magicien. Le terme prestidigitation. Le mot prestidigitation, de l'italien presto digiti, voulant dire agilité des doigts, a été créé par le prestidigitateur Jules de Rovère en 1819, qui ne voulait pas indiquer sur son affiche le mot d'escamoteur ou de physicien. Ce terme a supplanté le prestidiateur, faisant perdre à la discipline sa référence au prestige antique pour ne laisser qu'une référence à l'agilité des doigts. La réussite dans cet art se fait grâce à un ensemble de critères tels que la manipulation, les accessoires, le timing, donc le respect des temps forts et des temps faibles, le boniment ou la musique, les fioritures, l'attitude, donc la personnalité et l'originalité, le regard, le don de comédien, etc. Le terme illusionnisme, cette dénomination est apparue à la fin du 19e siècle, plus à même de rendre compte de la diversité de ces arts, puisqu'il cesse de mettre l'accent sur la dextérité, comme le faisait le terme « prestidigitation » pour pointer une réalité plus large, liée à l'illusion en général. Passons maintenant à l'histoire des pratiques dites « magiques ». Les pratiques magiques remonteraient à la préhistoire. Bien que les spécialistes ne soient pas tous d'accord sur leur signification, les gravures rupestres de sorciers et d'animaux mythiques semblent bien en attester. L'Ancien Testament décrit le combat que livrèrent Moïse et Aaron contre les magiciens du Pharaon. Dans cet Ancien Testament, nous pouvons y lire, je cite, « Moïse jeta devant Pharaon son bâton qui se transforma en serpent. Pharaon, à son tour, convoqua les sages et les enchanteurs. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, accomplirent par leur sortilège le même prodige. Ils jetèrent chacun son bâton qui se changea en serpent, mais le bâton d'Aaron engloutit ceux des magiciens. » Fin de citation. Les premiers objets magiques retrouvés intacts sont des vases grecs truqués datant du 6e siècle avant Jésus-Christ. L'un d'eux, conservé et exposé au musée du Louvre, comporte un siphon permettant de le vider et de le remplir à plusieurs reprises. Un autre vase conservé au musée Allard Pierson d'Amsterdam, daté du 4e siècle avant Jésus-Christ, permettait de verser à volonté deux liquides différents. Les écrits grecs et romains relatent leur intérêt pour les faiseurs de prestige. De la plus haute antiquité à nos jours, l'art de manipuler les objets, comme l'utilisation des marionnettes, et de prétendre que cette manipulation est le fruit d'un phénomène surnaturel existe. On en trouve un témoignage remarquable en ce qui concerne le 2e siècle de notre ère, chez Lucien de Samosate, qui, dans son Alexandrone et Pseudomantis, décrit et explique les pratiques et les tours de passe-passe d'Alexandre d'Abonotique, mystique et prêtre du culte d'Asclépios et de Salus, deux personnages issus de la mythologie grecque. La prestidigitation suscite l'intérêt des savants au siècle des Lumières. L'encyclopédie de Diderot détaille plusieurs tours à l'article « Tours de cartes et de mains » et rapporte les efforts faits par les scientifiques de l'Académie royale des sciences, notamment de Denis Dollard, pour expliquer les tours. La prestidigitation semble avoir eu ses maîtres en Italie. C'est en tout cas de là que Jean-Eugène Robert Houdin écrit avoir identifié l'origine avec la venue d'Italie à Paris de faiseurs qui appelaient leur tour des jeux. Il cite les pionniers restant en mémoire, Jonas, Androletti, Antonio Carlotti, puis l'un des fondateurs, Giuseppe Pinetti. En 1908, Harry Houdini publia également ses mémoires. Grand collectionneur de Magica, il retrace les débuts de cet art du spectacle et cite le français Monsieur Philippe, né Philippe Talon, qui employait, entre autres, des automates dès 1841 sur les scènes de Paris et Londres, précédé de nombreuses célébrités d'alors, telles que Haddock, Garnerin, Master Gingel, Bologna, Henri Schmidt, Robert, Charles, etc. Terminons cette chronique par parler de l'illusionnisme et manipulation. Avant d'être un divertissement, la prestidigitation a servi à matérialiser le divin et s'est assimilée à la magie noire, tandis qu'elle s'est peu à peu affirmée magie blanche pour s'éloigner des bûchers. Sa pratique a longtemps profité aux sorciers, mais les a aussi souvent conduits à être poursuivis par l'Inquisition. C'est d'ailleurs dans le but de démystifier les procédés employés par les escamoteurs et autres faiseurs de tours, en vue de leur éviter le bûcher, que Reginald Scott, écrivain anglais, publia en 1584 « The Discovery of Witchcraft », traduit en français par « La sorcellerie dévoilée ». Ironiquement, cet ouvrage est rapidement devenu un manuel d'apprentissage pour les prestidigitateurs débutants de l'époque. Aujourd'hui encore, elle est parfois utilisée à des dessins, des buts peu avouables, pour tromper le quidam à un jeu d'argent, comme le poker dans certains cercles, ou le bonto à la sauvette, pour fanatiser des membres de sectes ou pour établir son ascendant sur une personne et en tirer profit. Un quidam étant un individu, un homme. C'est ainsi que se termine cette première partie de l'âcre histoire de la magie et de l'illusionnisme. Dans la prochaine partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des différents genres et courants, et si le temps nous le permet, de la terminologie propre à l'illusionnisme. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogemozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo, en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou en venant nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions bien sûr ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.